Non mais sérieux, sérieux, sérieux, sérieux. Bah allez, moi j'ai dit pourquoi le monde part en vrille. Voilà, on garde ta pourquoi phrase. Fallait faire dis-le bien près du micro là, ramène ta grande bouche. Pourquoi le monde part en vrille, voilà. Pourquoi? Allez, partout. Mais pourquoi le monde part en vrille? Mais on gardera peut-être celle-là, c'est bien. C'est magnifique. Moi je dirais parce que. Parce que pourquoi? Toi t'es intelligent toi. Parce que. Prends parce la vie que quoi comme elle vient, toi t'es intelligent toi. Non, pourquoi, moi pourquoi, je dis pourquoi. Pourquoi? Quand on dit vous avez déjà les réponses devant les yeux. Pourquoi? Parce que mon pote, la vie elle est comme ça, tu fais avec. C'est un maître Okage. Mais pourquoi? Bah parce nous que. Et toi, tu crois que t'étais dans la merde ou quoi? Il y en a plein, ils sont bien pires que toi. Ouais, tu crois que tu lui demandes pas pourquoi? Ouais, mais pourquoi? Bah parce que c'est comme ça, c'est parce toi. Parce que ouais. Tu vas changer que quoi? Pourquoi tant d'inégalités? Parce que t'es moche. Vas-y, recommence, reprends là. Pourquoi tu mens? Pourquoi il n'y a pas de parce que? Il y a personne qui répond, désarmant, ça ne fait pas sentir visé. Bon, je sais qu'elle n'a pas parlé à moi, personnellement, je m'en bats les couilles. C'était pas moi. Pourquoi tu l'as tué? Il y a eu un blanc.